بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم العلامة الحجوري، رجل مصلح مظلوم مفترى عليه. الشيخ الحجوري ستنوم لكونسيلياسيون ريفورماتور، c'est-à-dire qui appelle à concilier et non pas, c'est pas mufsid lésé sur lequel des paroles sont forgées, des mensonges sont forgés. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تسليما كثيرا أما بعد، فقد جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقتصارا على الشاهد في الحديث، قال في الليلة إنما قصى رؤيته على أصحابه مما رأى في أمور البرزخ في عذاب القبر، فقال فأتينا على رجل مستلق لقفاه فإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه يشرشر شقه إلى قفاه و منخرة ومنخرة إلى قفاه وعينين إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفعله من ذلك الجانب حتى يصيح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. هذا إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبله الأفاق. Dans ce hadith apporté par Samura ibn Jundub, lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم un matin interrogea ses compagnons qui d'entre eux avait fait un rêve, ensuite lui cita son propre rêve qu'il fit lorsque des hommes l'emmenèrent dans son rêve, dans lequel il vit des gens subir le châtiment de la tombe. Le hadith, il est long. La résumé, la partie qui nous intéresse, le shahid, c'est qu'il dit qu'ils sont arrivés près d'un homme allongé sur la nuque, et un autre debout à côté de lui, avec des pinces de fer. Et qu'il prenait cette pince pour lui arracher le côté de la joue vers sa nuque. Également de sa narine vers sa nuque et de son œil vers sa nuque. Il lui arrachait tout ça avec sa pince de fer. Et quand il a fini de faire tout ça, il passe à l'autre côté du village. Et il fait la même chose du côté du village. Quand même, et pendant ce temps-là, l'autre partie se guérit. Une fois qu'il a fini, il revient à la première partie, ainsi de suite. Voilà. Un douloureux châtiment. Et à la fin du rêve, sous le hadith, il demanda aux hommes qui étaient avec lui, c'est-à-dire les deux anges qui l'accompagnèrent, qui était cet homme. Ils lui dirent, c'est un homme qui sort de chez lui le matin et qui confère des mensonges qui font le tour du monde. Et le hadith, c'est le mot de tafakun alayh. Donc là, ce hadith est venu pour démontrer le péril qu'encourent ceux qui propagent des mensonges et qui font le tour du monde. Et en cette époque, cela n'y a rien de plus facile. Il te suffit d'aller sur Internet, d'écrire quelque chose sur un site ou sur les réseaux sociaux, ou de faire un audio, de le propager. En l'espace de quelques minutes, à l'autre bout du monde, tout le monde l'entend. Rien de difficile. Et parmi les plus grandes armes employées par les Hizbi, les Maftoun, mentir sur les gens de la vérité, comme tu le sais. Et leur mensonge font le tour du monde. Entre ceux qui le font délibérément et ceux qui suivent aveuglément, et ceux qui se font duper par ignorance. Ça fait un lot. Tamam. Donc là, j'aimerais lire avec toi, Inch'Allah, cette Malzama, le shahid de ce hadith, pour ce qui va suivre, Inch'Allah. Écrit par notre cher Abu Bakr, Abdurrazzaq et Nahmi, Ibn Saleh, Hafizallahu Ta'ala, qui est parmi les toulabs de Chambonville, l'un des mains chers du Yémen. Il n'est pas connu. Au Yémen, il est connu, mais dans le monde, il n'est pas connu. Et il n'est pas conditionné pour une personne d'être connue pour en faire une personne de mérite. D'accord ? C'est pas parce que les gens ne le connaissent pas, c'est une personne qui n'a pas de mérite. Bien entendu. Car combien sont connus et n'ont que très, très peu de valeur et ont été gonflés par les gens ? Et combien sont inconnus et restent discrets dans leur coin ? Non. Donc, un homme dénommé Khalid Abu Abdel A'la Al-Misri, un homme d'Égypte, a dernièrement sorti un audio dans lequel il rapporte des paroles de Cheikh Rabi' Wafakahullah wa Saddada, sur lesquelles ou dans lesquelles on écoute encore et sans cesse des diffamations et des accusations graves et infondées à l'encontre de Cheikh Al-Hajjoudi. Donc cet homme, Khalid, à la base est un maftoun hizbi, du Hizb al-Jadid, Cheikh a déjà parlé sur lui auparavant. Un homme fortement critiqué pour son comportement, connu par beaucoup de frères en Égypte. Une personne qui, par exemple, est connue en Égypte et qui, en réalité, est une personne basse. Mathalan, comme on parlait tout à l'heure. Des gens qui sont connus et ainsi de suite. Lui, c'est une personne peut-être dont le nom s'est fait connaître en Égypte, auprès des frères qui ont été en Égypte. Surtout du fait qu'on connaît aujourd'hui comment s'y prennent beaucoup de gens, et Annie aujourd'hui, on connaît la technique de beaucoup de gens, c'est se rapprocher du savant le plus coté, d'accord, en vue de tirer des tesquilles. On va voir un savant, on lui montre un visage, on le défend, on fait comme si on joue un rôle devant lui, en vue d'en tirer une tesquille, à dire Cheikh Fodel me connaît, après ça, il se fait un nom et c'est une d'arbre. Et ça, c'est une chose qui est très répandue aujourd'hui, que beaucoup de gens les font malheureusement. Une dawa bâtie sur les teskiyas, les fausses teskiyas, les fausses éloges. Payez. Donc, dans cet audio, il dit qu'il est parti en Saoudia faire un voyage, lors duquel il est parti visiter Dr. Al-Madkhali. Et lors de cette assise, Cheikh Rabi aurait encore parlé sur Shayahia. Dans ses paroles, il dirait qu'il aurait tenu des paroles confirmant les anciennes de l'audio pirate qui a eu lieu, que tu connais déjà, et des paroles même, voire plus sévères, à son encontre. Il confirme bien dedans, il confirme bien que Al-Hajjouri a dévié, est un égaré, que le minage salafi est innocent de lui, qu'il est sur une vallée, les savants sont sur notre vallée, que c'est un sale fitna, un homme à trouble. Ça, jusqu'ici, on va dire, on connaît, un nouveau. La chose apportée de nouveau, qui est le shahid de cette malzama écrite par Cheikh Abdelrazzaq, c'est que dedans, il dit quoi ? Premièrement, que Cheikh Yahya est un lâche, car il s'est sauvé à Mecca, d'une part. D'autre part, c'est un voleur, car il a détourné de l'argent de la da'wa sous le nom de djihad, avec lequel il s'est rempli les poches, qu'il est devenu millionnaire. C'est le terme employé, millionnaire. Dans l'audio de Missouri, il dit millionnaire. Et qu'avec cet argent également, il s'est fait construire un palais à Sanaa, un palais, un château. D'accord ? Donc là, ça a causé le... Tout le monde était subjugué de ces paroles-là. On dit, comment une personne comme Cheikh Rabi est tombée aussi bas de tenir tel propos infondé sans la moindre preuve, le moindre chaîne de narration qui lui a raconté qu'elle fait. Ça, c'est juste du qil wa qal, comme on dit. D'accord ? Donc, deux choses l'une. Soit Khalid est un menteur, et c'est un menteur, à la base. À la base, c'est un menteur, Marlouf. Juste, soit il a inventé ces paroles-là que Cheikh Rabi n'a jamais dit. Et ça, Yustab Adjid Dan, c'est Pour nous, c'est une chose qui est loin, car il a fait un audio qui est propagé. Donc je ne pense pas qu'il aurait eu le tout peu de mentir comme ça et de lancer un audio sachant que Charabia pourra l'écouter. Tamam. Donc soit il a menti, Khalid l'a tout inventé, et ça, comme on dit, c'est l'hypothèse la plus éloignée, ou soit Charabia a vraiment dit la chose. Donc s'il n'a pas dit la chose, vu que l'audio est propagé en son nom, qu'il démente. Et Cheikh Rabia n'est pas au-dessus des règles au point de démentir une chose qui lui est imputée. Ce n'est pas vrai. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été vu avec une femme par les sahaba de lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Hadihi fiyya. Il dit, c'est ma femme sans fiyya. Pour ne pas que quoi? Que Shaitan puisse venir mettre des wasawis. Fermer les portes. D'accord? Fermer les portes. Donc, s'innocenter d'une chose avant même qu'on ne puisse penser du mal de toi, si jamais cette vie t'arrive à toi dans la religion, ce hadith est un enseignement là-dedans. Donc que dire quand la chose elle est propagée, direct, en ton nom? Amen. Taillé. Et on connaît ces employés de Cheikh Rabia, comment ils sont. Ils ne bougent pas et ne parlent pas et ne font rien si ce n'est après avoir eu l'ordre, le feu vert, comme on dit. D'accord? S'ils parlent, c'est qu'ils ont eu, derrière l'accord de parler. S'ils se taisent, c'est qu'ils ont eu l'ordre de se taire. S'ils disent quelque chose, c'est qu'on leur a dit de le dire. Et tu te rendras compte que depuis le début de cette fitna, tout ce qui tourne autour de Cheikh Rabia, ce n'est que du colportage. Jamais il ne parle de lui-même. Et le seul audio qu'on a eu de lui, il lui a été pris à son insu. C'est quand même surprenant. Je ne pense pas, pour une personne de son rang, de son statut, de son âge et de son niveau de science, que ce soit les gens qui sont obligés de parler en ton nom, quand tu n'arrives pas à parler de toi-même. Jusqu'à présent, on n'a pas un audio officiel où on dirait Yahya al-Hajouli, c'est un Mubtadi Haddadi. On n'en a pas. Je veux dire, un audio officiel de lui, il le dit, il le propage. Sur son site, sur Sahab ou je ne sais où. Depuis le temps, justement. C'est quand même étrange. Sur Al-Halabi, t'en as plein. Sur Abul Hassan, t'en as plein. Sur Fulan et Fulan, t'en as plein. Et le Hadjouli, qui est une des personnes apparemment les plus dangereuses dans cette époque, on n'a rien d'officiel de lui, clair, propagé. Rien du tout. Toujours les gens disent, Cheikh Rabia a dit, Cheikh Rabia elle a dit, Cheikh Rabia elle a dit. Non. Donc à la base, l'insan, quand il parle d'une chose qu'il voit comme étant vraie, et qu'il, par laquelle il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'exprime en son nom. C'est ça un homme courageux justement, quelqu'un qui parle en son nom. T'as un truc à dire sur quelqu'un, tu le dis clairement toi-même. Ce n'est pas t'envoyer les gens comme ça, comme des émissaires. À part si tu ne peux pas atteindre ton message, si ce n'est pas de cette façon-là. Aujourd'hui, comme on dit, on est à un stade, tu viens dans ton cours, tu es une personne qui a des toulettes, dans ton derche, tu mets ton micro, et tu dis ce que tu as à dire. Chahiria, toutes les fois, il a parlé sur le micro devant tout le monde. Les machères à des mains, ils ont besoin de parler, ils parlent devant. Et s'il y a un truc qui ne veut pas qu'ils se disent, ça ne se dit pas. Mais ce n'est pas, je dis un truc à quelqu'un, allez, propage. Tu vois? C'est au pire, si une maslaha n'a pas propagé, ils disent, Béni ou Bénak, Mathalan. Entre toi et moi, ne propage pas. C'est pas le moment de propager encore. Parce que des fois, c'est vrai que ce n'est pas toute chose à dire. Il faut dire à tout moment. Quand même. Mais maintenant, tu as parlé d'un assise devant plein de gens. Tu sais qu'ils vont propager la chose. Donc pourquoi ne pas faire toi-même un audio? Ce que tu as dit ce jour-là, tu l'enregistres. Et tu le propages en ton nom. Ça évitera bien des fatigues que des gens mettent à parler en ton nom. Ou qui se trompe, pas demain dire j'ai pas dit ça, bah pourquoi tu l'as pas dit toi-même? Ouais, donc depuis le début on n'a que ça. Que des gens qui rapportent. Cheikh Rabia elle a dit, Cheikh Rabia elle a dit, Cheikh Rabia elle a dit, Cheikh Rabia, non, il a dit, on en met entendre de lui-même, tu vois. Un audio officiel de lui-même, posé où il parle. Avec le Moukad Dima et tout, et dans ce deal-là, on attend ça depuis des années. Jusqu'à présent, rien. C'est quand même un point qui est vraiment étrange. Donc là, après que cet audio soit sorti, Cheikh Abdelrazak a écrit cette petite nasiha C'est un rod, mais en même temps, c'est un rappel. Et pour des gens comme Cheikh Rabi' et ses ashab au moment de façon générale, et pour les gens aussi de façon générale, un rappel sur plusieurs points dans lesquels il se peut que le serviteur tombe dedans sans même s'en rendre compte. Donc il l'a intitulé Al-Shaykhu, wa alaykum salam, Al-Alamatu Al-Hajuri Rajulun Muslihun Mazloumun Muftara Alayhi. Que Cheikh Al-Hajuri, c'est un homme de conciliation, réformateur, c'est-à-dire qui appelle à concilier, et non pas, c'est pas Moufsid, lésé, d'accord, sur lequel des paroles sont forgées, des mensonges sont forgés. Non. Donc il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم أما بعد مقدمة إلدي حفظ الله تعالى فقد أطلعني بعض الإخوة الأفاضل على كلام للشيخ ربيع المدخلي هداه الله نقله عنه خالد ابن عبد الأعلى أبو عبد الأعلى إنه با ابن يطعن فيه على الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ومما جاء فيه أنه أصبح ملياردير يعني مليونير وأنه أكل ملايين باسم الدعوة وأن الله سلط عليه الحوثيين وأنه خائن وأنه هرب إلى مكة إلى غير ذلك. Donc il dit que des frères de mérite m'ont fait connaître, parvenir des paroles de Cheikh Rabi', qu'elle a le guide, rapportées par Khalid al-Misri, dans lesquelles il diffame Cheikh Yahya al-Hajuri. Et parmi ces paroles, qu'il dit qu'il est devenu, là il écrit milliardaire, mais c'est millionnaire, c'est n'est qu'il a mangé des millions au nom de la da'wah, que Allah a envoyé les choufis sur lui, qu'ils l'ont dominé, qu'il est un traître, et qu'il s'est sauvé à Mecca. Et on ajoute qu'il a acheté un palais avec cet argent qu'il a volé de la dawa sous le nom de djihad. Il akhir ذلك الكلام الذي ينبئ عن حقد دفين من صاحب هذا الكلام السيء نسأل الله العافية والسلامة. Donc ainsi de suite, parmi les paroles qui décèlent un mépris enfoui, hein, chez la personne qui confère de telles paroles. Et nous demandons à Allah la prémunité ainsi que la préservation. Aïe. Wa fil haqiqati hadha al-kalam dararuhu ala al-mutakallimin wa la al-mutakallam alayhi lima fihi min al-baghi wa al-dhulm. قال الله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Donc en réalité, cette parole, les méfaits de cette parole ne nuisent qu'à celui qui les a proférés et non pas celui sur qui on parle. Tamam. Pour ce qu'elles contiennent comme injustice et offense. Et là, dans le sens, il dit: ô vous les gens, votre injustice n'est que contre vous-même. Hein? C'est une jouissance temporaire de la vie présente, et ensuite c'est vers nous que votre retour, alors nous informerons de ce que vous faisiez. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم. Donc il a rapporté le parole d'Ibn Kathir dans son tafsir par rapport à ce verset qui est dans Sourate Yunus verset 23 où il dit que vous ne goûterez le mal de cette tyrannie si ce n'est que vous-même. Vous-même, vous en goûterez les représailles. Vous en subirez les représailles. وَلَا تَدُرُّونَ بِي أَحَدًا غَيْرَكُمْ. Vous ne nuirez à personne si ce n'est qu'à vous-même. كَمَا جَا فِي الْحَدِيثِ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. Qu'il n'y ait pas de péché ne méritant plus que Allah ne précipite son châtiment en ce bas monde, tout en contenant ce qu'il faut pour l'akhira, pour l'au-delà, si ce n'est l'injustice et la coupure des liens de parenté. Donc ces péchés-là, d'accord, ces deux péchés-là sont une cause que Allah précipite et fasse venir le châtiment plus vite pour celui qui l'aura commis en ce bas monde, sans compter ce qu'il aura dans l'au-delà. Et c'est affirmé par un hadith de Abu Bakr, rapporté par l'imam Bukhari dans Al-Adam al-Mufrad, où il dit: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. Donc il dit, tout péché, Allah en retarde ce qu'il veut pour l'au-delà, le jour du jugement, hormis la tyrannie, l'injustice, c'est-à-dire l'ingratitude envers les parents et la coupure des liens de parenté, pour lesquels Allah précipite le châtiment en ce bas monde avant sa mort. Donc celui qui est injuste se verra subir son châtiment en ce bas monde avant sa mort. Qu'on le voie, nous ou pas, il le subira, comme le démontre ce hadith. Toujours la parole d'Ibn Kathir où il dit: Mata'ul hayati dunya, c'est-à-dire, c'est une jouissance temporaire de ce bas monde. C'est-à-dire, cela n'est pour vous qu'en ce bas monde, en cette dunya, cette vie qui est méprisable et sans valeur. Thumma ilayna marji'ukum. Ensuite, c'est vers nous que vous reviendrez. Fanunabbi'ukum, c'est-à-dire que nous vous informerons de toutes vos œuvres, de tous vos actes. وَنُوَفِيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Donc, nous vous les compterons, c'est-à-dire ces œuvres-là. Celui qui trouve du bien, alors qu'il loue Allah. Et celui qui trouve autre que du bien, qu'il ne blâme que lui-même. Ça, c'est une partie de quel hadith, ça? Hadith de Abu Dhar, rapporté par Muslim. Un long hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des bienfaits pour sa créature, plutôt pour les hommes. Et à la fin, il dit quoi? Innama ya'amalukum, ce sont juste vos œuvres, qu'on compte pour vous. Celui qui trouve de bien, qui loue Allah. Et celui qui trouve autre que cela, qui ne blâme que sa propre personne. Amen. Donc pour dire que le mal que tu fais, en réalité, tu ne le fais qu'à toi-même. Quoi que tu fasses, que tu complotes, même toi, tu penses que ton plan a abouti en ce bas monde, tu en verras les conséquences. Si ce n'est pas en ce bas monde, tu le verras après. Car il se peut que tu sois atteint du châtiment de ton mal et tu ne t'en rends pas compte. Mathalan. Non. Donc après, le shir est poursuivi en disant: Thumma inna ashir rabi'an fi akhil umrihi ma awhajuhu ilan yatuba illa Allah azza wa jal wa يسعى جاهدا في مجاهرة نفسه في طاعة الله والتخلص من أمراض القلوب كالحسد وغيره الذي قال عنه بعض السلف: ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يدنيه أو يبديه. انتهى. Donc il dit ensuite, à savoir que Cheikh Rabi, qui arrive en fin de vie, car Cheikh Rabi n'est plus tout jeune, plus proche de la mort que de la naissance. Personne ne sait quand est-ce qu'il mourra. Il se peut qu'on meure avant lui, bien entendu, mais c'est un homme très âgé. Encore très âgé. Donc il est bien entendu l'homme âgé, c'est que son terme est proche. Donc il dit qu'il est plus en besoin de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'efforcer à combattre son nefs dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se débarrasser des maladies de cœur, comme la jalousie ou autre. Comme certains salafs l'ont dit, il n'y a aucun corps qui a été épargné de la jalousie. Tout le monde ressent de la jalousie. Cependant, Al-Karim, le noble, celui qui le contient, qui le camoufle, et l'homme méprisable, celui qui l'extériorise. C'est des choses que tu as en toi, que Allah l'a mis pour t'éprouver. Cependant, t'as des gens qui combattent leur nefs, ce qu'ils ressentent. On dit quoi dans Mukaddimat al-Hajja, lorsqu'on fait des kalimas? On dit Aywa, na'udhu billahi min shururi anfusina, du mal de nos propres âmes. Naam. ثم قال وحتى يموت على استقامة فليحذر من سوء الخاتمة. قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة يا أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ثم يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Donc ceux-là ont vu qu'ils meurent sur la droiture et qu'ils prennent garde de la mauvaise fin. C'est-à-dire, cher Rabbi. Allah, dans le sens, il dit, ne soyez pas comme celle qui a défait les brins de sa quenouille, on va dire brin par brin, après qu'elle fut solidement ficelée, de ne prendre vos serments pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que la vôtre, ou que l'autre plutôt. Le shahid, c'est le fait de ne pas défaire ce que ça fait comme bien auparavant. De prendre garde à préserver tes actions. قال مجاهد وقتالة وابن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. Donc Qatada, Mujahid et Ibn Zayd, qui sont des Mufassirun, ils disent que cet exemple-là, c'est pour comme celui qui aura annulé un engagement après s'y être engagé. S'engager une chose, et au final, cette chose-là, il a délaissé. Il n'a pas été fidèle. وفي شأن الاستقامة قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Donc à propos de l'istikama, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et tiens-toi droit comme cela t'a été ordonné, ainsi qu'à ceux qui sont repentis avec toi, et ne commettez pas d'excès, car il est certes clairvoyant de ce que vous faites. Certes clairvoyant de ce que vous faites. قال الحافظ ابن كثير يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأداد ونهى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعه حتى ولو كان على مشرك وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد la yakhfa 'an shay'in wa la yakhfa 'alayhi shay'un. Donc le Hafiz Ibn Kathir, il dit en tafsir de ce verset que Allah ordonne son messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses serviteurs parmi les croyants de rester ferme sur la droiture, que cela est parmi les plus grandes causes d'obtention du soutien et du secours contre les ennemis, voyez, et de se débarrasser de ses opposants, et qu'il a interdit la tyrannie et l'injustice, car cela serait une cause de ta perte, quand bien même tu serais injuste envers un mouchrik. Quand bien même tu serais injuste envers un mouchrik, cela pourrait te causer ta perte, ta défaite. Et que Allah a informé qu'il est certes clairvoyant des œuvres de ses serviteurs, qui n'est pas inattentif à ce qu'ils font, et que rien ne lui échappe. Non, ça c'est fin du tafsir du verset. Donc il dit, le shir, Allah ta'ala, Kolto, تأمل في قول ابن كثير في من يبغي فإنه مصدعه حتى ولو كان على مشركين فكيف البغي على رجل يعتبر عالما من علماء الإسلام. Donc il dit, regarde bien, analyse bien la parole d'Ibn Kathir. Quand il dit que cette injustice pourra causer ta défaite, quand bien même tu seras injuste envers un mouchrik. Alors que dire d'être injuste envers un homme qui est un savant, considéré comme étant savant parmi les savants de l'Islam? Qu'en est-il? Naam, laqad baga al-Sheikh Rabi'un ala al-Sheikh al-Alamati Yahya ibn Ali al-Hajuri al-Rajul al-Zahid al-Taqi al-Naqi al-Sabir al-Mujahid fima nahsibuhu wallahu hasibuhu wa lanuzakiya lallahi ahada شاهد له بذلك شيخه معلم الإمام الوادعي علي رحمة الله وهو أعرف الناس به. Donc il dit en effet, Cheikh Rabi a été injuste envers Cheikh Yahya, qui est cet homme ascète, qui est pieux, qui est clair et qui est patient et qui est un combattant parce qu'on pense de lui et que Allah lui rendra des comptes et que nous ne faisons l'éloge de personne sur Allah. Mais ça, c'est une chose que nous constatons. D'accord ? Et que son propre cheikh, son enseignant, Cheikh Mokbil, lui-même, en a témoigné de cela, de son élève. Et il est plus savant de son élève qu'autrui. Quand même, l'homme ayant le mieux connu son élève, c'est son cheikh, à son époque. Et ce n'est pas pour rien qu'il l'a mis, qu'il lui a fait succéder sur sa chaise. Voyez. ثم إن الواقع أيضا شهد له بذلك فآثار دعوته واضحة من مؤلفات أو تحقيقات وهؤلاء طلابه ملأوا السهل والجبل يعلمون الناس وينشرون دعوة الله عز وجل. Et également l'actualité en témoigne de cela de Cheikh Yahya, car on voit les traces de sa da'wa apparent parmi ses ouvrages, parmi ces tahkikat sur les livres, également tous ces élèves qui ont rempli, qui sont en tout lieu, on va dire, surtout au Yémen, voyez, et qui enseignent aux gens, qui propagent la da'wah, grâce à Allah. Tu ne trouveras pas aujourd'hui une contrée dans le Yémen sans que tu n'y trouves des élèves de Cheikh Mokbil et également des élèves de qui? De Cheikh Yahya al-Hajouri. Et hors même du Yémen. Dans plein de pays, tu verras plein de gens qui ont enseigné, parmi les frères, qui ont étudier auprès de Cheikh Al-Hajouri, qui font da'wa, chacun à son niveau. Ça, c'est une chose que personne ne peut nier. Même parmi les maftoun, d'où viennent-ils? De Demmaj. Pour être qu'ils ont enseigné, certains, par exemple, tu as des gens, comme, titre d'exemple, parmi les maftoun Hizbi, Ibrahim Abou Tol Halmalien, qui a Bobini, fait sa da'wa. Il s'est fait un nom, il s'est fait une image auprès des gens. Il s'est fait une da'wa en France. Cette da'wah est basée sur quoi? Sur une science. Cette science, où est-ce qu'il l'a prise? Où il a pris cette science? À Dammaj, qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non, c'est à Dammaj qui s'est fait un nom. S'il n'avait pas étudié ces temps-là à Dammaj, il serait revenu en France, il n'aurait pas les mêmes bagages qu'il a actuellement avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Il n'en a pas des comme ça. C'est à Dammaj qu'ils ont pris, car les erreurs reprochées à Cheikh Al-Hajouri dans ce que les gens lui reprochent, des gens comme Ibrahim ou d'autres ne l'ont jamais entendu de sa bouche. Juste, ils l'ont lu sur les choses qu'on leur a dit. Mais eux, lors des doulous, ce qu'ils ont entendu en akeda, ce genre de choses, ils ont entendu que du haq. Ils ne peuvent le dire. Dans les khutbas de shia, dans ses conférences, dans ses cours, ce qu'ils entendaient, c'est du moufid de la science. Ils ne peuvent le nier, cela. Qu'ils fussent d'accord ou pas d'accord avec ses critiques, ce qu'ils ont pris de lui, c'est de la science. Celui qui dit non, c'est un grand menteur. C'est un grand menteur. Donc c'est tout le lève, dans le monde entier tu en trouves, en Indonésie, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France, en Allemagne, là-bas et là-bas et là-bas et là-bas. Chose que tu ne trouves pas chez Cheikh Rabi. T'as dit, va en France, parmi les frères et les frères qui font Darwa, combien sont les tout lèves de Cheikh Rabi, hein, qui l'ont côtoyé? Je ne parle pas des gens qui sont assis une fois, deux fois. Non, on parle des gens qui sont assis auprès de lui, hein, longtemps, tous les jours qui l'ont vu, qui ont étudié de lui, qui font Darwa actuellement en France. Combien t'en as? Moi non plus, je n'en connais pas. Des gens qui l'ont côtoyé, qui sont assez doulous, voyez, qui ont pris de lui. Bon, allez, comme ça. Qui ont pris de lui et qui propagent aujourd'hui la da'wah, voyez, Salim Tani. Il a des toulèbes, il a des toulèbes, on ne dit pas qu'il n'a pas de toulèbes. Il a un nombre de toulèbes, mais ces toulèbes, leur da'wah, de cette science qu'ils ont appris de lui, où est-ce qu'elle est? Où sont-ils? On a plein de chers, un tel, chers, un tel, chers, un tel, c'est tout autour de lui. Maintenant, parmi ceux qui ont pris de lui, ils sont partis, qui enseignent. Combien il y en a? Par rapport aux élèves de Cheikh Mokbil. Par rapport aux élèves de Cheikh Yahya al-Hajouri. Combien prennent-ils des marakis dans le monde? Moi, j'en connais pas, je dis pas qu'il n'y en a pas, je connais pas. S'il y en a, ils sont pas très connus. Même en Indonésie, les élèves de Cheikh Yahya, qui étaient des marakis, tu en as. En Malaisie, il y en a. En Tanzanie, il y en a. Vous voyez? En Algérie, ils ont peut-être Marrakech, mais des frères qui ont étudié qui font Dawa, tu en as. Ils sont où les siens? Et même des gens parmi les Maftouns ont reconnu que Chia Yahya a été profitable à l'Oumma, il a un grand achat dans la Dawa, très actif. Et très profitable. Et ça, personne ne peut le nier. Même personne ne peut le nier cela. Qu'ils disent ce qu'ils veulent sur lui, ils ne pourront pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas actif. Et qui n'a pas été une grande cause de progression de la Dawa. Ça, ils ne peuvent pas le dire. Ce qui dira, c'est un menteur. C'est un grand menteur. Tu n'as beau ne pas l'aimer, tu ne peux pas nier qu'il n'a pas été profitable à la Dawa. Bien que tu dises aujourd'hui, il a changé, c'est ton avis à toi. D'accord? Mais maintenant, on compare à ces gens dont vous parlez là. Ils sont où, les toulèbes de ces gens-là? Tous ces maftouns. Les élèves de l'Abdallah al-Bukhari sont où, dans le monde? De Mohamed ibn Hadi sont où? De Oubay al-Jabiri sont où? La Marrakech sont où? Donc c'est là qu'on voit les fruits d'une Dawa. Tu vois que ça se propage. Tout l'homme, il se propage dans le monde et il propage. Tu les as éduqués, tu leur as appris, ils propagent. C'est pas juste des coups de fil au Hachir, Ma'arayoukoum, c'est quoi votre avis? Coup de fil, on fait une Omra, on va se déficher un tel, ouais, c'est notre chir. Combien de fois tu l'as vu? Deux fois. Je veux bien. T'as fait une Omra, ça, tu l'as vu, tu crois que t'as un tout l'homme comme ça, hein? Minel Moulazimine, là. C'est pas ça le Moulazimat al-Ulama. C'est pas faire une Omra, deux Omra dans l'année, tu vois, Sheraton, on l'a visité, on s'est assis avec lui, on a dîné avec lui, c'est bien, tout le monde peut le faire, ça. Maintenant, on te parle de s'asseoir avec lui, de prendre de lui des journées entières, des mois entiers, même des années entières. Qui a fait ça avec Omar Cher là? Et qu'aujourd'hui, j'en connais pas. Eh bien, des gens de Demej, je t'en sors à l'appel. Chayaha, c'est tous les jours, le Dourous. Dhor, Asar, Maghrib. Le Jumu'a, Yom El-Eid. Sans compter les Dourous privés qu'il y a. Mais bon. Et c'est peut-être pour ça que des gens, justement, ils ont du hasad dans le cœur. Parce qu'ils ont vu, justement, le fruit de cette dawa. Et Adha Fadlullah Yotim Men Yasha. C'est une grâce d'Allah, il a donné à qui il veut. Si Allah a donné à Baraka à cet homme-là, c'est plus qu'à toi. Remercie Allah que c'est quoi le plus important? Toi, tu sois la cause ou que l'islam se propage de façon générale? Quelle qu'en soit la personne qui la propage, c'est quoi? Normalement, tu veux être content, la salafie se propage. Non, ils veulent eux, ils veulent que ça vienne de eux. Il faut que le mérite leur revienne à eux. Tu comprends? Là, le problème, le cœur est malade. Taïe. Donc après, il dit Amma. Donc là, il va commencer à parler un petit peu des points cités dans les paroles de Khalid. Ibn al-Bari wa dhulmi an yuqal anhu harab min jihad et rawafid. Donc parmi les injustices envers sa personne, le fait de dire qu'il s'est sauvé du jihad des rawafida. La ilaha illallah. Celle-là, franchement, celle-là, elle est énorme. Faya subhanallah, laqad jahadahum hatta a'dhara an 'inda Allah wa sabara ghayat al-sabr fi jihadihim fi dhalika al-hisar. حتى نافذ ما عندهم من منع وعتاد وقتل أقرب الناس إليه وقتل من طلابه وإخوانه ثم خرج من دماج للحفاظ على البقية الباقة من الدعاة وطلبة العلم النجبة. Donc il dit, ya subhanallah, que cet homme, en parlant shahad, il a combattu les rafida. Tamam. Qu'il a patienté, une patience énorme dans son combat, dans sa lutte face à eux, à travers les blocus qui ont eu lieu, à tel point qu'ils en ont épuisé leurs munitions, hein, ainsi de suite, que les gens les plus proches de lui ont été tués, parmi eux son fils, c'est tout l'Eb, hein, et ses frères, et qu'ils ont fait le damage au final pour préserver ce qui restait, et cela également par ordre de la Dawla. Pas hors du gouverneur. Et pour préserver ce qui est comme Darwa et comme prédicateur et comme tout l'Ebel Aïd. Vous voyez? Donc quelqu'un qui ose dire que Shahir c'est un lâche qui n'a pas, qui fuit le combat, c'est le plus grand des menteurs. On a Nadul Nasr Allah Ayala'an al-Kadhibin. Tout ce qu'on a fait des mèches, tout ce qu'il y a eu comme guerre, les gens osent dire que Shahir c'est un lâche. Ils parlent alors qu'ils sont autour de lui, ils parlent sur eux, ils dénoncent leurs égarements, tu dis que c'est un lâche. Le Harb Sadis, 6e guerre qui a eu lieu. Le Barraka, premier blocus qui a eu lieu. On aurait pu dire, tiens, premier blocus, ça y est, aux arrêts, ils sauvent. Est-ce que Shahir s'est sauvé? Non. Préparez-vous et vous revenir. C'est ça qu'il dit Shahir. Préparez-vous et vous revenir. C'est pas vous sauver. Préparez-vous à un retour. préparation a été faite. Le retour a eu lieu. Plus dur que le premier. Est-ce qu'il est sauvé? Les Toulabs sont sauvés? Il y avait qui est venu secourir les gens? Des frères Abdullah, j'ai des l'homme au Khayla qui ont bougé à Kitef. Mais il faut savoir, comme on dit, que l'une des grandes causes justement de la sortie des Medj, c'est pas le Hajjouri. C'est la Khiyana qui est chez ces gens-là. Du fait que les gens n'aimaient plus des Medj. Donc ils ont abandonné. Même s'ils ont aidé ou quoi, c'est à contre-cœur qu'ils l'ont fait. Ils n'avaient pas, on va dire, cette couva de venir. À cause des gens comme Rabi al-Matrali et des gens comme les Machir du Yémen qui ont abandonné. Car ils ont mis dans le cœur des gens hein, de l'animosité envers ce centre. Donc les gens n'ont pas eu de hâte à les combattre. Même, s'ils ont, même si Charabi, on sait qu'il a fait la fatwa, avant de faire la fatwa, il a contaminé le cœur des gens contre Chayaha. Donc c'est ça que les gens ne vont pas courir pour aller se combattre. Pour une personne qu'ils n'aiment pas. Et ça a affaibli les rangs, ça a divisé les rangs. À cause de quoi? De leur division que eux ils ont faite. Donc si il s'est passé ce qui s'est passé, ils ont une part dedans. Qu'ils le veuillent ou non. Adam il cause à l'Illah, que Allah une chose que Allah est prédestinée, mais parmi les causes de cette dunya, eux, les machères de Libana du Yémen, et des gens comme Cheikh Rabi al-Matrel et les autres. Du fait d'avoir mis dans le cœur des gens hein, de la haine envers ce centre. Ce qui font qu'ils ne sont pas précipités à les aider. Il y en a même qui étaient contents de ce qui nous est arrivé. Il y en a qui étaient contents, pour te dire. Et aimer que les koufars qu'on a dessus sur les muslimines, c'est du koufr, c'est un ridda. Au tel point qu'il en a dit que c'est un châtiment d'Allah sur nous. Il est juré par Allah. Donc après, il dit, en ce qui concerne le fait qu'il soit parti à Mecca, en fusion avec sa religion, cela est une origine dans la religion. Comme cela fut rapporté dans. Chez l'imam Bukhari, selon Abi Saïd al-Khudari, radiallahu anhu, qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est sur le point que le meilleur des biens du muslim soit ses moutons, d'accord, qu'il les fait paître, avec lesquels il partira en haut des montagnes, afin de fuir avec sa religion, des troubles. Il prendra ses moutons, il partira loin, il s'isolera, loin dans les montagnes, pour fuir du mal qui vira autour de lui, pour fuir avec sa religion. Donc que l'insan il ait peur pour lui, c'est pas une honte. Également quand l'État Allah, fafaratu minkum lamma khiftukum, quand Moussa alayhi salam il a dit, dans le sens où il dit, et j'ai fui de vous, je me suis enfui de vous, quand j'ai eu peur de vous. Tamam. Wa qala ta'ala fa kharaja minha khaifan yatarakkab qala rabbi najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Donc il sortit de là. De la ville, on va dire, en disant ô Seigneur, sauve-moi du peuple d'injuste. Donc Moussa alayhi salam, ça c'est une peur naturelle. Lorsque l'être humain ne peut plus faire face à une chose, il est dépassé par une chose. D'accord? Il est dépassé par une chose et qu'il ne peut plus faire face. Il a le droit de reconnaître qu'il a peur. La peur, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de. L'individu. Ce qui lui interdit, c'est de commettre des péchés pour cela. À moins que tu ressentes une peur et que tu ne puisses faire face à une chose et que tu t'oses, par exemple, quand même, des fois, ça peut être obligatoire pour toi de te sauver. Tu ne peux pas faire face. Et en restant, tu vas perdre le peu qui te reste. Donc il dit ثُمَّ إِنَّ خُرُوجَهُ مِنْ سَنْعَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ قَبْلِ اِجْتِدَادِ الفتنة وانتشار القتال وكان حين ذلك لا تزال الدولة في صنعاء برئيسها ومن إليه فخرج الشيخ حفظه الله تعالى دعوة إلى بعض المناطق اليمنية ويسر الله له الدخول للحج ثم أشار عليه الناصحون أن يبقى في مكة حتى تستقر أو يستقر الوضع في اليمن وعليكم السلام donc il dit quand le fait qu'il soit sorti de صنعاء pour aller vers Mecca, cela c'était quand? Avant que les troubles de s'intensifient au Yémen. C'était à l'époque où le Raïs était encore président. Les Houthis n'étaient pas encore à Sanaa. D'accord? Il n'y a pas encore tous les combats qu'il y a actuellement. Le djihad qui est à Aden, tout ça, c'était bien avant ça. Donc le Cheikh est sorti en Da'wa, comme on savait, dans le Yémen. Profiter pour faire sortir en Da'wa. Et que Allah lui a facilité de pouvoir aller faire le Hajj. Donc il est parti faire le Hajj. Et de là, des gens l'ont conseillé de ne pas retourner au Yémen tant que les choses ne se calment pas. Car il faut savoir une chose, justement, c'est un lâche, soi-disant. Tous les combats qui ont lieu auparavant dans le Yémen avec les Rafida, qui était celui qui y a appelé le plus ardemment? C'est Cheikh Yahya. Donc Cheikh Yahya, c'était l'homme dont la tête était mise à prix le plus dans le Yémen, à ce moment-là. Il faut bien se dire ça. La présence de Cheikh Yahya était un danger pour beaucoup de gens. Pour cette oulé, pour la da'wah, justement. Il faut avoir un esprit stratège. Donc les gens n'invoquaient pas qu'ils réfléchissent. Donc de là, quand il était parti, les gens l'ont dit, n'en viens pas au Yémen. Respecte ta présence au Yémen, cause encore plus de problèmes. Il faut savoir une chose. Quand Cheikh est sorti de Damaj, il a signé des accords avec l'État par rapport au Toulé pour les protéger et tout. D'accord? Il avait des pactes. Il ne faut pas les rompre comme ça non plus également. Al mu'minun ala shurutihim. Ya yurazina amanu ou fubil uqud. Oh vous les croyants, tenez vos engagements. Ainsi de suite. Je ne connais pas tout ce qui s'est passé, mais on sait qu'il a eu signé des accords lorsqu'on sortait de Damaj avec le gouvernement, surtout par rapport à la sécurité que devait avoir le Toulé. Et principalement qui? Les étrangers. Donc il vient, il casse tout comme ça. Tout ce travail, on est sorti de Damaj pour après arriver à Sanaa et tout chambouler. Tout détruire. C'est vraiment pas Aqil d'agir comme ça. Pas du tout. Mais les gens, ils savent pas, tu vois, ils savent pas. Quoi qu'il en soit, plus d'un me l'ont dit. La présence de Cheikh Yahya au Yémen, ce n'est pas du tout convenable. Surtout en ces jours-ci. D'accord? Que les choses se calment et après, Inch'Allah, qu'ils reviennent. Et quand des gens l'ont conseillé, c'est des gens qui l'ont conseillé. Autant que ce soit des toulèbes ou des gens au placé qui l'ont conseillé. Naam. Taïe. Donc, قال فليحذر الشيخ ربيع المدخلي هداه الله أن تنزل به دعوة المظلوم فتهلكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله لليمن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Donc il dit qu'il prenne garde, cher Rabir, qu'il soit atteint par une invocation d'une personne lésée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit à Mu'az, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, et craint l'invocation de la personne lésée. Car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. Que Allah, il répond. Donc là, je n'ai pas à faire attention à ce qu'ils disent. Que ce soit cher Rabir ou autre cher Rabir, il y a des gens qui parlent partout dans le monde, qui propagent, qui laissent leur langue comme ça défiler, dire tout ce qui leur passe par leur tête, par leur rage, qu'ils sachent que si des gens lèvent leur main, quelle que soit l'heure, c'est même pas dans les tiers de la nuit, même à n'importe quel moment où ils lèvent leur main, ils fassent un doa que Allah se venge de toutes les personnes qui auront menti, qui leur ont fait du mal dans cette affaire, qu'ils fassent attention. Qu'ils fassent attention à eux, ces gens-là. Et sûrement que certains ont déjà dû être atteints de ces invocations-là. Ce serait pas étonnant. Dans leur religion, par exemple. Ce qui est pire, c'est qu'un homme soit atteint comme fitna dans sa religion. C'est pas il tombe malade, après c'est fini, ça va mieux. Dans sa religion, dans son cœur, tu le vois, il est maftoun, il dévie. Ça, c'est ce qui est pire pour lui. Wal fitna, wal maut ahwan min al fitna. La mort est meilleure que la fitna pour le musulman. On parle de la fitna dans sa religion. Wa qala al hafiz ibn Hajar. Également, je tiens à préciser par rapport au fait aussi de fuir avec la religion, c'est une chose où même des sahaba comme Saïd ibn Jubayr, il l'a fait. Avec le Hajjaj, le Yusuf. Il s'est sauvé. De longues années. Après, le Hajjaj l'a trouvé, l'a tué. Hein? Chez les salafs, c'était connu. Des savants ont fui leur pays pour les fitnes qu'il y avait dans leur pays, ils ne pouvaient faire face. Plus d'un l'ont fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une honte. C'est pas de la lâcheté, c'est que tu ne peux pas faire face. Ou si tu restes, il y aura peut-être encore plus de problèmes. Fahimt? Amin, qui est un combat contre les Rafidah, Shahel n'a jamais dit qu'il n'y a pas de combat contre les Rafidah. Jamais. Donc ensuite, après avoir parlé de l'invocation exaucée du lésé, il dit wa qala Allah azza wa jalla amman yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu as-su'a. Donc qui répond à l'opprimé lorsqu'il l'invoque et qui enlève le mal? C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimt? Thumma qala hamza Allah ta'ala وإنها لمصيبة على الرجل أن يمكث عقبة وحقبة من الزمن يذهب عن السنة ثم في آخر عمره يحاربها يسعى في الفساد فيها والتفريق بين أهلها. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث ليكون. وكي dit que par exemple l'une des plus grandes calamités qu'un homme puisse subir, ce n'est pas fuir à Mecca. Ce n'est pas forcément acheter un palais. Ce n'est pas forcément être accusé de je ne sais quoi. C'est qu'un homme qui a perduré sur la sunna à la défendre arrive à la fin de sa vie et se met à la combattre et à diviser. Ça, c'est bien plus grave. Al-fitna fi din, une fitna dans ta religion. Wa alaykoum as-salam. Après, il rapporte le hadith d'Ibn Mas'ud dans le Sahihain, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin que celui dont il n'y a d'autres divinités que lui, digne d'être adoré, que l'un d'entre vous œuvrera œuvre des œuvres des gens du paradis, à tel point qu'il en soit proche d'une coudée, ensuite il sera devancé par son livre, c'est-à-dire le destin, et se mettra à œuvrer des gens, des œuvres des gens du feu, et finira par y rentrer. Et à toute sa vie, il fait du bien. À la maya var al-nas, comme c'est dans le tafsir du hadith, à ce qui apparaît aux gens en fait. Il fait du bien. Et à la fin de sa vie, il fait des œuvres du mal et il meurt là-dessus. Et le contraire. Que d'entre vous avoira des œuvres des gens du feu, quand même, parce qu'il arrive, il soit à une brassée du feu, c'est-à-dire il est proche de mourir, et à ce moment-là, son livre, c'est-à-dire son destin le rattrape, il se met à œuvrer des œuvres des gens du paradis et il y rentre. C'est-à-dire à la fin de sa vie, il fait du bien. Naam. وفي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليعمل عمل أهل النار وأنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتم. Donc il dit, prophète صلى الله عليه وسلم, selon سهل بن سعد, qui dit que le serviteur œuvre des œuvres des gens du feu alors qu'il fait partie des gens du paradis, et le contraire. Il œuvre des œuvres des gens du paradis alors qu'il fait partie des gens du feu. Et que les œuvres ne sont comptées que sur leur fin. C'est sur quoi tu meurs. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم يخافون أنفسهم من النفاق ويشتد خوفهم من سوء الخاتمة فإن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة نسأل الله العافية. Donc il dit que les Sahaba, comme les Salaf, et ceux d'après eux, avaient très peur pour eux-mêmes de l'hypocrisie et que leur peur s'amplifiait, que leur pleurs s'amplifiaient face à la mauvaise fin. Qu'ils avaient peur de mourir sur une mauvaise fin. Car les choses enfouies en toi, quand même, les choses enfouies en toi mauvaises, justement, amènent à ce que tu aies une mauvaise fin. Les choses qui sont enfouies en toi que tu caches, elles amènent à ce que tu aies une mauvaise fin. Elles apparaîtront à la fin. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعض الكور رواه مسلم عن عبد الله ابن سرجاس. Donc il dit parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi. » On va dire de la du manque après la quantité ou de l'égarement après la guidée. C'est ça que ça veut dire. Une chose que tu as eu en quantité, tu ne l'as plus. Une chose que tu as eu en bien, après tu l'as en mal. Il y en a, il le traduit par la science aussi. Le fait que tu as eu la science et qu'après tu l'as perdu. Donc il dit, à certains des passages, il dit « Wa ba'da hadha fa fil haqiqati anna al-Sheikh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizallahu ta'ala rajulun muslihun mazlumun muftara alayhi naqulu hadha la uluwan fih wala ta'assuban bil batil fa na'udhu billah anna nudafi'an batil wa an mubtilin qala Allah ta'ala wala tujadil an al-lazina yakhtanun anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khwanan athima. Donc il dit, en réalité, Shaykh Yahya al-Hajuri est un homme conciliant, mais qui est opprimé, sur qui on ment. Et nous ne disons pas cela par exagération en sa personne, et ni par fanatisme envers lui. Et nous recherchons refuge auprès d'Allah, justement, de défendre le faux ou des gens du faux. Car Allah, dans le sens, il dit, ne querelle point envers ceux qui sont trahis, qui ont trahi leur propre personne. Ceux qui ont trahi leur propre personne, car Allah n'aime pas les traîtres pécheurs. وثبت عن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاصم في باطل وهو يعلم ولم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضعة الخبال حتى يخرج مما قال. Donc, Abu Daoud rapporta selon Ibn Omar, radiallahu anhu, qu'il dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui querelle à propos d'un faux, alors qu'il le sait très bien, qu'il en est conscient, qu'il ne cesse d'être dans la colère d'Allah, sauf qu'il en sorte. C'est-à-dire qu'il lâche cette querelle, cette dispute. Et celui qui dit sur un croyance qui n'est pas en lui, ce n'est pas de lui, que Allah le fera habiter dans le puits des gens du feu. Jusqu'à ce qu'il délaisse ce qu'il a dit. Donc on regarde les conséquences de parler mal sur les gens, justement. Wal'azubillah. Amma difa' anil mazloumi fa'amrun wajibun. Bikadr al-istita'a. Qala Allah ta'ala. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Wa taqwa Allah. Inna Allah shadidul iqab. Quand au fait de défendre l'opprimé, cela c'est une chose qui est obligatoire. En mesure des capacités. Que Allah, dans le sens, il dit. Et entraidez-vous dans la piété et l'obéissance, et ne vous entraidez pas dans la désobéissance et le péché. Et craignez Allah, car Allah, certes, est dû en châtiment. Fi al-Bukhari, an Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, unsur akhaka zaliman ou mazlouman. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu idha kana mazlouman, afaraita idha kana zaliman, kayfa ansuruhu? Qala tahjuzuhu. وتمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. Donc selon Anas, chez Bukhari, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, secours ton frère qui soit opprimé ou oppresseur. Il dit, un homme dit, ô messager d'Allah, que je sauve l'opprimé, c'est compris, mais comment sauver, secourir l'oppresseur? Il dit, tu l'empêches de faire son mal. Et cela est ton secours pour lui. Tu l'empêches de faire son mal, tu l'empêches de nuire. ثم قال في الخاتمة ثم إننا ننبه الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى أن يصبر وأن يحتسب فقد اشتد عليه البلاء وكثر عليه حساده ولكن لن يضره شيئا إلا بإذن الله قال الله تعالى لن يضركم إلا أذى وقال سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط ونذكره أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وأحمد وفي روايته عن ابن عباس رضي الله عنه قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Donc il dit également, nous faisons remarquer à Cheikh Yahya Al-Hajouri, nous l'appelons ce qu'il patiente et qu'il cherche la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes, l'épreuve s'est endurcie sur lui. Et que beaucoup des gens jaloux envers lui, les gens jaloux envers lui sont multipliés. Cependant, qui ne lui nuiront en rien. À part avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le sens, ils ne pourront vous causer aucun mal, juste une simple nuisance de leur langue. Et Allah dans le sens où il dit, et si vous patientez et vous craignez, ne vous nuiront en rien. Du moins, leur complot ne vous nuira en rien. Et que Allah sait ce que vous faites. Ou sait ce qu'ils font. Et également, nous lui rappelons le hadith d'Ibn Abbas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et sache que le secours vient avec la patience, et que la délivrance vient après l'affection, et qu'avec la difficulté vient la facilité. Il clôturera sur cela. Lui, ça t'embie par rapport à quoi? Tayyib, que tout ce que le cher Rabbi a rapporté, comme parole dit envers Cheikh Yahya, ce qui nous surprend, c'est qu'il n'a trouvé rien d'autre à faire que d'écrire deux livres dans le Moustalah, pour le répliquer, dans le sens du hadith. Et tout ce qu'il a sorti d'officiel, deux livres, deux Mujallad, où il rose un livre de Cheikh Yahya, hein, par rapport au faraï des sahaba dans le Moustalah, avec tout ce qu'il a dit sur lui, qui était rapporté sur lui, Haddadi, qui tente dans les sahaba, que c'est un fitna, et kaza, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est répliquer sur lui dans le Moustalah. alors qu'il y a des choses plus graves. Pourquoi tu n'en parles pas? Et Cheikh Ahmadullah lui a répondu dans son Muqaddima, et là prochainement il a un livre qui est en cours d'impression pour répliquer au livre de Cheikh Rabia, dans le Mustalah également. Et à chaque fois que Cheikh Rabia a réagi, Cheikh Rabia lui a répondu. Toujours il lui a répondu. Mais là, hier, ça lui a répondu, il a montré qu'il avait tort. Est-ce qu'il est revenu pour autant? Il ne revient pas pour autant. Au contraire. Yazdad Sharra. Masallah wa afiya. Ça, c'est pas des bons signes, ça. Donc, on est surpris que le porteur de l'étendard du Jarh Tardil n'ait trouvé que ça à faire, répliquer dans le Mustalah, pour une personne qui est parmi les plus grands mots de cette époque, dans la Dara Salafiya. C'est le Mustalah qui l'a rendu mal comme ça. C'est dans le Mustalah qu'il a égaré les gens. C'est que le Mustalah qui fait tout ce qu'il a fait comme mal, que les Hussines sont mis sur lui. Donc, démontre ces choses-là. Clairement, officiellement. Laisse Arafat et tous tes sbires. Parle, toi, et dis ce que tu as à mettre. Laisse Obeid, laisse Al-Bukhari, laisse tous ces gens-là. Toi, parle, toi. Avance. C'est ça la Shajara. Il dit, il est où la Shajara de Shahak qui est partie à Mecca? On dit, la sienne, elle est où? Qu'il parle ouvertement, qu'il fasse un béillet des erreurs de Shahak. Son courage à lui, il est où par rapport à ça? C'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on attend. Depuis des années. Qui dit le conseil. Ben, ça fait des années, on attend que tu sors justement sur quoi tu conseilles. Également, l'histoire que Cheikh Yahya, il a acheté un palais. Ça, on a mis la photo sur le net. C'est un immeuble de 3 étages qui lui a été offert par des personnes bienfaisantes qui l'ont acheté. Ce n'est pas Cheikh Yahya qui l'a acheté. Et malgré cela, Cheikh Yahya l'a mis comme waqf pour la da'wa. Pour les blessés, pour les toulab, et pour lui et sa famille. Et ses petites pièces en plus. Des immeubles, comme ça tu connais Sanaa, là, des petits immeubles, 3 étages. Tout simple. C'est pas un palais. Quand la Adani, là, il s'est construit une villa, on peut dire une grosse villa au Fayouche, avec l'argent qu'il a pris en vendant des terres, au nom de la Darwa, vous étiez où, vous? Vos critiques, elles étaient où, vos critiques, à vous? Lui, il avait le droit de le faire, lui. Pourquoi, à cette époque-là, il était sous votre aile? Vous voyez, là, Hadjouli, on lui a offert un immeuble qu'il a mis en works pour la Darwa, qu'il a mis au service de la Darwa, vous le critiquez pour ça? Ça, c'est être équitable, ça? Ça, c'est insaf, ça. Ça, c'est du jarh tardif, ça. Ou c'est juste namima, hein, du riba, du ta'n, du sab, du chatam. C'est tout. C'est du hikd et du hasad. Pas plus loin que ça. Et parmi les paroles que ce Khalid a rapporté aussi, que Cheikh Yahya, de Cheikh Rabir, que c'est lui qui a causé la fitna au Yémen. Donc on dit celle-là aussi, vous en rendrez compte, Yomel Qiyama. Vous savez tous qui était l'Adani depuis le début, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il avait tort. Tout le monde le savait. Vous l'avez défendu. Donc la fitna, c'est pas le Hajjouli qui l'a faite. C'est vous qui l'avez faite en défendant le Moubtil. Vous auriez dénoncé le Adani depuis le début, peut-être que ce serait bien passé. Mais comment défendre une personne à la base qui vous écoute et qui est sous vos ordres? Elle m'a aujourd'hui dit quoi sur le Adani? Allez, ça y est, va, bismillah. Ah ben il le casse, bien sûr, il met en garde contre lui. Parce que maintenant le Adani ne veut plus obéir aux ordres. Vous voyez? Voilà ce qui se passe. Et il dit également que la fitna de Hajjouli ne s'est terminée que lorsque les Houthis ont pris le dessus sur lui, soit disant. Certains disaient que la fitna des Houthis ne s'arrêtera que lorsque le Hajjouli sortira de Namaj. Bon, aujourd'hui, le Hajjouli au Saoudia et les Houthis, ils ont été jusqu'à Aden. Et là, ils sont en passant, il y a encore des combats. Expliquez-nous comment ça se fait. Le Hajjouli n'est même plus là, il est en Saoudi maintenant. C'est même plus la Damaj, il n'est même plus au Yémen. Et la fitna est encore présente, les Houthis sont encore là. Comment ça se fait? C'est à cause du Hajjouli aussi, ça? Tout le Yémen, là, que ce soit arrivé jusqu'à Aden, ça cause le Hajjouli. Que ce soit arrivé à la Houdaïda, ça cause le Hajjouli. Que ce soit pris Taïz, ça cause le Hajjouli. Que ce soit pris Sana, ça cause le Hajjouli, tout ça. Ben, dis donc, ça fait beaucoup de choses sur le dos de Hajjouli. Miskin. Expliquez-nous. Parce qu'à la base, les Houthis sont une cause d'un châtiment de Hajjouli. Donc pourquoi tout le Yémen a pris après cela? Pourquoi maintenant la Saoudie est rentrée pour combattre le Hawafa, la coalition des pays arabes? Tout ça cause le Hajjouli. Expliquez-nous. Si vous avez, que d'après vous, vous connaissez l'invisible, que le châtiment, c'est un châtiment d'Allah sur nous, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait les Yéménites pour subir le châtiment des Houthis sur eux, à tel point que tous les pays arabes maintenant s'allient contre eux, jusqu'à ce jour? C'est à cause de qui alors vous connaissez l'Aïb? Dites-moi à cause de qui c'est tout ça. Al-Hajjouli, vous n'aurez pas dire ça. À cause de qui? Al-Hashi Qadrallahu al-Ibadi. Tout ce qu'Allah a voulu pour ses serviteurs, pour les élevants de gré, et pour passer les zoubes. Mais c'est pour te dire que ces gens-là, leur but c'est salir, mentir et ternir l'image. C'est tout. C'est ça qu'ils veulent là. C'est pour ça qu'ils disent n'importe quoi comme ça. Ça mène à ce résultat-là. Là, c'est plus du jarh tardil. Là, c'est du qil wa qal. C'est du kadhib. C'est du burtan. C'est de l'iftira mahd. C'est tout. Donc voilà. C'est ça qu'on voulait dire. Donc, espérant que les gens vont réagir et un peu réfléchir à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Tu vois. En tout cas, on dit, Yom El Qiyamah, des comptes seront à rendre. Il y a une umma entière. Les gens de Demmadj. Ceux qu'on parlait sur eux, injustement. Combien on garde contre eux, justement, que les anciens, justement, rendront les comptes Yom El Qiyamah. Et Yom El Qiyamah, il n'y aura pas Sharabi qui va te défendre. Il n'y aura pas Obeid qui va te défendre. Il n'y aura pas le Bukhari qui va te défendre. Il n'y aura pas Mohamed Ibn Hadi qui va te défendre. Il n'y aura pas Bezmoud pour te défendre. Ça sera toi, pourquoi tu as dit ça? Sur un tel, alors que dire c'est des milliers. Des milliers. Et parmi eux un savant. Même des savants. Tu vois. Les gens ils prennent la légère, ils pensent que, je sais pas, ils oublient qu'un jour ils vont mourir, ils vont rendre compte de tout ce qu'ils ont dit comme parole. Ils ont oublié, on dirait. Ils vivent dans une rafla. Leur ulama leur ont rendu permis tout ce qu'ils ont. Si Cheikh Rabi a dit ce qu'on peut le dire, c'est halal. Tu crois? Ben, j'espère pour toi que tu as raison alors. Parce que si jamais t'as tort, ça va être chaud. J'espère que tu as raison pour toi. J'espère pour toi. Parce que si jamais t'as tort. L'argument a été démontré. Les preuves sont venues. Là, il n'y a pas, on ne sait pas, on n'était pas au courant. Tout a été mis. Tu n'as pas voulu regarder, tu as voulu faire mon collègue d'un homme, t'en paieras les conséquences. Yom El Qiyamah. Et Yom El Qiyamah, Inch'Allah, on se rencontrera. Alhamdulillah, on a tellement de hasanat dont on a besoin, de toute façon. Avec tout le mal, tout le péché qu'on fait à longueur de journée, nous-mêmes, le mal qu'on fait, ça ne nous fera pas de mal de prendre des hasanat de beaucoup de personnes comme ça. On espère qu'il nous restera nous-mêmes, par rapport à ce qu'on aura pu faire autre que cette fitna-là. Car, le fait qu'on ait des péchés expiés, il n'y a aucun doute là-dessus. À des mèges, qu'on dise pour nos péchés, on dit non pour nos péchés. Ça, on ne doute pas qu'on a des péchés expiés. Et c'est quoi ce péché que tu vises? C'est quel péché que tu veux dire par là? Qu'on parle sur Obed Jabiri? Non, ça non. Qu'on parle sur l'Adani? Non, c'est pas ça le péché. D'autres péchés à côté? Non, on en a. Et tout le monde a des péchés. Il n'y a qu'une tortue de bilay ou un nahar ou un nahar filozolou ou jamais. Mais tu vises quoi par le péché, toi? Toi, tu vises le fait qu'on ait dévoilé des gens qui fassent du mal. Qu'on parle sur les ulama d'après vous. Ce péché-là, on ne sera pas puni pour celui-là. Ou aller comme ça. Sûrement pas. Parce qu'on sait qu'on a le haqqa avec nous, on a l'adilé de ce qu'on dit. On ne sera pas puni pour ça. On sera puni pour d'autres choses possibles, des manquements qu'on a. On dit qu'on punit, c'est-à-dire on a des péchés expiés, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, il y a un espèce qu'Allah nous pardonne. C'est, chacun rendra des comptes de ce qu'il a fait. Ama, c'est. Ce refrain-là, c'est pour vos péchés, à cause de vos péchés. On dit, non, à cause de nos péchés. On a tous des péchés. Mais tu vises quoi, toi, par là? C'est quoi ta nia quand tu dis péché? C'est ça. Ça revient à ça. Pas même? Donc, voilà. On a fait bien ça. On a dit, subhanaka allumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.